cas comme Kyrie Eleison. Seigneur, ayez pitié de nous. Demandons souvent à Dieu, comme le prêtre disant cette prière à l'autel, qu'il ait pitié de notre misère. Elle comme lumière. La plus belle de toutes les lumières, c'est la lumière de la vérité. Le repos en Égypte. Les voyageurs s'arrêtent pour se reposer. Joseph regarde si la route est encore longue. Jésus dort. Marie le tient sur ses genoux et s'est assise, bien lasse. On dit qu'un jour l'enfant et la mère se reposaient ainsi sous un dattier. Marie aurait voulu se rafraîchir avec les dattes qui pendaient sur l'arbre, mais elle ne pouvait pas les cueillir parce que les fruits étaient trop hauts. Jésus étendit sa main et les branches s'abaissèrent. Avec Jésus, on ne manque jamais de rien.